OK. Chainmail on the mic, yeah. Check it out. Sois pas intimidé, laisse-moi ton identité. Sache que si ton mec t'ennuie au lit, je ne vais pas l'imiter. J'aime quand elle joue avec mon sucre d'orge. J'aime sentir ma au fond de sa gorge. J'aime puiser dans les ressources dont elle regorge. J'aime quand le mercure du thermomètre déborde. Ça devient trop, trop, trop, trop chaud.